bien bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Instant Économie, le nouveau rendez-vous économique sur Radio Fadjet dont l'ambition est de vous faire aimer l'économie. Et conditions sanitaires obligent, nous avons adapté un petit peu le format de cette émission, faute de pouvoir recevoir un invité. Donc aujourd'hui, de nombreuses rubriques sur l'actualité économique avec toujours fidèle au poste, Francine et Isabelle. Alors bonjour Francine. Bonjour Jérôme. Bonjour Isabelle. Bonjour Jérôme. Alors dans quelques instants, donc des rubriques notamment sur la croissance économique, sur l'industrie automobile, entrecoupées par des pauses musicales. Donc bienvenue donc sur l'Instant Économie et restez fidèles à Radio Fadjet. Alors commençons par notre première rubrique, l'instant explication, l'occasion de revenir sur un concept économique largement diffusé à la télévision, la radio ou la presse écrite, le concept de croissance économique. Avec notamment cette dernière info, la croissance économique chinoise résiste. On vient en effet d'avoir les chiffres du dernier trimestre 2020 concernant la croissance économique chinoise. Eh bien, la Chine va afficher une croissance de 2,3% en 2020. Certes, la plus mauvaise performance depuis la mort de Mao Tse-tung en 1976, mais la meilleure performance de toutes les puissances économiques et de loin. En témoignent les chiffres attendus pour la zone euro, moins 7%, et aux États-Unis, moins 4%. Alors Francine, avant d'aller plus loin, peux-tu nous rappeler ce qu'est la croissance économique d'un pays ? Alors oui, la croissance économique se mesure par la variation entre deux années du produit intérieur brut, autrement dit le PIB, c'est-à-dire en fait la variation de la création de richesses d'une année sur l'autre. Il faut savoir qu'il y a trois moteurs de la croissance économique, alors la consommation des ménages, l'investissement des entreprises et les exportations. Bon, merci Francine pour cette précision. Alors comment la Chine est parvenue donc justement à maintenir cette croissance économique ? Eh bien pas comme en France, hein, où le gouvernement a voulu soutenir le revenu des ménages avec notamment la mise en place du chômage partiel. Le gouvernement chinois a soutenu les entreprises pour continuer justement à exporter puisque les exportations sont le principal moteur de la croissance économique en Chine. Alors en 2020, effectivement, on peut constater un record absolu de l'excédent commercial de la Chine, c'est-à-dire de la différence entre les exportations et les importations de biens. Et cet excédent commercial n'a jamais été aussi fort, car la Chine a profité pleinement de la crise sanitaire en exportant des masques, des appareils médicaux et des ordinateurs pour le télétravail. Certes donc, la Chine est le pays où l'épidémie est née, mais 2020 est l'année où la Chine fait la différence. Et donc cette différence, on va pouvoir la constater également sur d'autres secteurs économiques, puisqu'on a appris récemment que l'investissement direct étranger était également record en 2020. Alors, pour relancer cette croissance économique, certes, donc, il y a la consommation, il y a aussi l'investissement des entreprises, et la nouvelle administration américaine vient de dévoiler un nouveau plan de relance de 1900 milliards de dollars. Et dans quelques instants, Francine va nous en dire plus. Alors effectivement, donc, l'administration américaine veut aussi donc, soutenir la croissance économique de son pays. Et parmi les mesures annoncées, un chèque de 2 000 $ pour les ménages américains les moins aisés. Peux-tu nous en dire un peu plus, Francine ? Alors oui, la Chambre des représentants et le Sénat américain ont en effet adopté une aide directe aux particuliers de 2 000 $. Sous forme de chèque du Trésor américain, cette somme de 2 000 $, c'est en fait un impôt à l'envers. Et c'est une mesure de relance de la demande de type keynésienne, en faisant référence bien sûr à Keynes, qui est l'économiste américain de référence du XXe siècle. Après la crise économique de 1929, Keynes a préconisé une intervention massive de l'État sous forme de hausse des prestations sociales ou de baisse d'impôts afin de soutenir la consommation des ménages et donc la demande adressée aux entreprises. Donc pour Keynes, il faut accepter un déficit public à court terme, c'est-à-dire que les dépenses de l'État soient supérieures à ses recettes. L'idée sous-jacente, c'est que lors de la reprise de l'activité, ce déficit sera compensé à terme par des rentrées fiscales supplémentaires. Et donc, il faut savoir que cette mesure américaine va coûter près de 460 milliards de dollars au budget américain. Et donc, en un an, les États-Unis, le pays symbole du libéralisme quand même et de l'intervention minimum de l'État, aura injecté plus d'argent public dans son économie que la plupart des autres pays développés pour faire repartir la machine économique. Oui, c'est quand même une grosse surprise, effectivement, de la part du gouvernement américain. Alors, qu'en est-il en France ? Est-ce que le gouvernement français a prévu des mesures similaires ? Eh bien, le président Macron réfléchit à une aide à la consommation pour les familles modestes. Cette aide prendrait la forme d'un chèque alimentaire pour aider les plus modestes à acheter des produits de qualité, à savoir le bio et les produits locaux issus donc de circuits courts. Cette mesure avait déjà été préconisée par la Convention pour le climat à laquelle le président a donné son feu vert en fin d'année. Il s'agirait d'un bon de 300 euros versé à 15 millions de personnes les plus modestes pour leur permettre de maintenir leur pouvoir d'achat, sachant en plus qu'ils ont une propension à consommer importante. Dernière mesure en discussion au niveau européen, la monnaie hélicoptère versée par la Banque Centrale Européenne et qui consisterait à alimenter les comptes bancaires de chaque ménage européen. Mesure finalement proche de celle annoncée aux États-Unis. Bon, ben, effectivement, donc une affaire à suivre donc dans les semaines à venir. Alors, première pause musicale avec le classement des meilleures ventes d'albums en 2020. Et ce sont Slimane et Vita qui donc triomphent cette année en tête du classement grâce effectivement à leur album Versus qui a séduit 348 000 fidèles. Rappelons que l'album est sorti en 2019 et le duo a réussi ainsi à cumuler près de 580 000 ventes. Et bien, on va retrouver tout de suite l'une des chansons clés de cet album. Ça va, ça vient, Vita et Slimane. De la foule, quand plus rien ne sait toucher ton cœur. Dis-le-moi, dis-le-moi si ça fait trop mal. On t'a tellement déçu que tu dis qu'avoir mal c'est normal. Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si plus rien n'a de sens, si tu n'as plus la foi, plus rien à donner. Dis-le-moi, dis-le-moi. Si t'as tout essayé, tout tenté, espéré que ton monde change. Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés. C'est vrai, combien de fois on a dû se relever. Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin. Tu sais, dans la vie, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Dis-le-moi, dis-le-moi encore. Ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Ça tient à rien. Au fond, tout va bien. On n'est pas bien là. Alors, on n'est pas bien. On n'est pas bien là, alors on est. Voilà, c'était donc Slimane et Vita pour Sava Savien en tête du classement des meilleures ventes d'albums en 2020. Vous êtes bien sur Radio Fadjet, vous êtes dans l'instant écho. Et dans quelques instants, nous allons aborder donc le dossier du mois avec l'industrie automobile. Alors Isabelle, donc, c'est l'envolée du marché donc auto-hybride et électrique en 2020. Eh oui, Jérôme. Alors qu'en 2020, les ventes d'automobiles se sont effondrées de près de 25% en Europe, les ventes de voitures électriques et hybrides ont augmenté de 144% pour atteindre près de 1,3 million de ventes, soit 12,5% du marché. Deux principales explications. Les subventions versées par l'État pour acheter un véhicule électrique et l'augmentation de l'offre avec l'apparition de nouveaux modèles. Les constructeurs souhaitant échapper aux amendes de Bruxelles pour les émissions de CO2. Au niveau des marques, Tesla s'est fait doubler par Volkswagen et Renault en 2020. Et au niveau des modèles, c'est la Renault Zoé qui arrive en tête. Mais Tesla n'a pas dit son dernier mot. Car pour le moment, la société importe ses véhicules des États-Unis et l'inauguration à Berlin de son usine va permettre de relancer ses ventes en Europe. Alors, en France, c'est 185 000 ventes, loin derrière l'Allemagne avec 400 000 ventes. La part de marché s'élève à 11,3%. En Europe, la part de marché record est atteinte en Norvège avec 75%, un chiffre impressionnant. Ces immatriculations devraient représenter 15% en 2021 au niveau européen pour atteindre 30% d'ici 2030. Eh bien, merci donc Isabelle pour cette précision avec donc l'envolée donc du marché électrique et hybride donc en Europe donc en 2020. Nous allons poursuivre donc ce dossier automobile et nous allons parler dans quelques instants de Stellantis qui est le nouveau groupe qui est issu de la réunion de la fusion entre Peugeot et Fiat. Et en effet, donc en ce début d'année, a été donc officiellement coté en bourse eh bien, le nouveau groupe Stellantis, qui est issu du rapprochement entre Fiat et PSA. Un groupe qui devient donc le numéro 4 mondial avec 400 000 salariés, 8 millions de véhicules produits chaque année et pas moins de 14 marques, Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall côté PSA et bien sûr Fiat, Chrysler, mais aussi Alfa Romeo ou Lancia, Maserati, Jeep et Dodge du côté donc Fiat. Mais c'est donc un énorme paquebot qui se lance donc à l'eau sous le nom de Stellantis, qui veut dire briller d'étoiles en latin, les étoiles étant toutes ces marques. Et cet ensemble sera piloté par Carlos Tavares, l'actuel patron de PSA, qui a réussi à redresser Peugeot au bord de la faillite après la crise des subprimes en 2008 et qui est aujourd'hui l'une des sociétés automobiles affichant les plus fortes marges. Alors il faut savoir désormais que ce mariage va devoir convaincre donc les investisseurs et que convaincre ça passera forcément par des décisions difficiles. Il y a peut-être trop de marques, certaines comme Alfa Romeo sont endormies depuis longtemps. Il y a sans doute trop d'usines, notamment du côté de chez Fiat, elles tournent à 60% de leur capacité. Pour l'instant, il n'est pas question de fermeture, mais la gamme Fiat est vieillissante, ses parts de marché s'érodent et cette situation n'est pas durable. Et puis, il va falloir donc investir pour ne pas se laisser distancer par donc les nouveaux acteurs de l'industrie automobile comme Tesla ou par des groupes qui ont davantage de moyens comme Volkswagen ou Toyota. Et c'est là que l'union doit faire la force. Carlos Tavares a réussi à redresser PSA de main de maître. C'est un atout clé pour réussir cet autre défi qui l'attend désormais. Voilà donc pour ce dossier automobile dans l'instant écho. Nouvelle pause musicale avec les 35 ans de la disparition de Daniel Balavoine en 1986. C'est donc l'occasion de retrouver l'un de ses titres phares. Le plus vendu justement, c'est l'Aziza qui a été vendu à l'époque à plus de 1 million d'exemplaires. Thank you. Voilà, vous êtes bien donc sur Radio Fadjet, donc l'instant économie avec donc Francine et Isabelle, et donc l'occasion maintenant de parler donc immobilier. Alors donc l'instant IMO avec un bilan du marché 2020 qui s'avère finalement plutôt réussi, Isabelle. Oui, tout à fait. Malgré la crise sanitaire et ces deux périodes de confinement qui ont gelé l'activité pendant un quart de l'année 2020, l'immobilier a bien résisté l'an dernier. Le nombre de transactions a reculé de 10 à 15% en France selon les dernières estimations des agents immobiliers. Mais il faut dire que l'année 2019 avait été une année record avec plus de 1 million de transactions. En dépit de ce recul, le volume des ventes est resté supérieur à celle de 2017 et 2018. Les acquéreurs ont toutefois modifié leurs critères. Des surfaces plus grandes, avec un bureau pour le télétravail par exemple, et un espace extérieur type balcon ou jardin. Donc un attrait pour la maison au vert, mais toutefois pas en rase campagne. Ainsi, les villes moyennes ont fait figure de locomotives comme Argenteuil, Antony et Massy en Île-de-France, ou Limoges, Pau ou La Rochelle en province. La situation sanitaire et l'essor du télétravail ont donc accéléré l'envie d'une vie plus cocooning, sans pour autant se priver des commodités des infrastructures des métropoles. Les prix, eux, ont continué d'augmenter de 6,5% en moyenne en France selon le dernier baromètre de Se Loger, avec des rebonds de plus de 16% à Mulhouse, Angers, Limoges et Orléans. L'année 2021 s'annonce en demi-teinte avec des craintes d'explosion du chômage et des défaillances d'entreprises. L'assouplissement des conditions du crédit par le Haut Conseil de stabilité financière avec un taux d'endettement autorisé qui est passé de 33% à 35% devrait toutefois soutenir la demande, d'autant plus que les taux d'intérêt devraient rester stables. Bon, en effet, les taux d'intérêt qui sont de l'ordre de 1%, 1,5%. Ils sont très, très bas, effectivement. Des taux jamais aussi bas depuis 1945. Oui. Et toutes ces tendances-là, on avait pu les constater avec Morgan Echevarria, qui était un agent immobilier qu'on avait rencontré il y a quelques mois et qui nous avait évoqué cette tendance vers le cocooning et la maison verte. Et le développement des ventes des maisons. On vend beaucoup plus de maisons aujourd'hui. Alors, Francine, une petite indiscrétion économique. Alors, tout à fait, la Fnac, à la grande surprise, a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires en 2020, certes limitée à 2%, mais vu le contexte de crise sanitaire, on peut considérer quand même que c'est une belle surprise. Les ventes en ligne ont largement contribué à atténuer l'impact de la crise sanitaire, puisqu'elles ont bondi de 55% en 2020, avec 5 millions de nouveaux clients. Fnac Darty confirme ainsi son statut de grands acteurs du digital dans son secteur. Effectivement, il n'y a pas que Amazon qui profite de la période actuelle. Dernière pause musicale avant de retrouver un quiz avec Francine et Isabelle. Pause musicale avec la chanson la plus vendue au monde. Et c'est Whitney Houston avec la BO de Bodyguard, avec plus de 40 millions d'exemplaires vendus. Alors on retrouve tout de suite Whitney Houston, I Will Always Love You. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I'll always love you. breeze. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Voilà, c'était donc la BO de Bodyguard avec Whitney Houston pour la chanson la plus vendue au monde. Alors, on va terminer cette émission avec un petit quiz en compagnie donc d'Isabelle et de Francine. Alors, première question, est-ce que vous avez une idée du nombre de logements en France? 40 millions? C'est pas loin, pas loin. Allez, je vais te dire 38 millions. Et c'est pas loin, on va encore plus proche, là. On gagne quelque chose. La culture. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont quand même des résidences secondaires. Oui, hein, il n'y a pas que les Français. Ouais. 66 millions d'habitants à peu près. C'est ça. Ouais. Hein, donc il y a en fait 37 millions de logements. Wow. Mais dans les Bravo, 37 Francine. Millions... Francine. J'ai gagné quoi, là? Droit de revoir une nouvelle question. Voilà, c'est ça. Mais dans ces 37 millions, vous avez 30 millions donc, de résidences principales, mais 3,6 millions de résidences secondaires. Et la France est la championne du monde de la résidence secondaire. Ouais. Hein. Et puis vous avez aussi 3 millions de logements vacants. Ah oui. Alors, à un moment donné où on se mais pose le problème. Mais c'est pas taxé, ça, les logements vacants. Il y a des taxes sur les logements vacants parce qu'en France, effectivement, il y a quand même beaucoup de problèmes de logements, mais simplement, les 3 millions de logements sont mal situés géographiquement. Hein. Ah. Ils sont situés, par exemple, dans les campagnes où il n'y a pas besoin, finalement, de demande, alors qu'à Paris, il y a une carence en termes de logements. Et peu de logements vacants à Paris, alors. Oui. Alors, quel est le pourcentage, effectivement, de propriétaires, donc, justement, en France? J'ai cru entendre 58%. Oui, c'est exactement. Ouais. Bravo. Bravo, bravo. Ouais, 58%. On est dans une situation un petit peu intermédiaire. Entre l'Espagne, on est à plus de 80%. Et en Allemagne, on est à moins de 50%. Parce que ce n'était pas un élément de la campagne de M. Sarkozy, oui, propriétaires. Voilà, c'était faux. Favoriser l'accession à la propriété. Voilà, ouais. Allez, dernière petite question. Qui a détrôné temporairement au mois de janvier le titre de l'homme le plus riche du monde à Jeff Bezos, qui était le PDG d'Amazon? PDG de Tesla. Oui, ah, c'est ça, PDG de Tesla, avec Elon Musk, ouais. Hein, ah, donc, oui, qui a vu son cours de bourse s'envoler en 2020. Hein, donc, ce qui fait qu'il est devenu l'homme le plus riche du monde, mais c'est donc quelques semaines après. Donc, Jeff Bezos a repris le dessus. Voilà, donc l'émission se termine. Donc j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette actualité économique. N'hésitez pas à faire vos commentaires sous la page Facebook de Radio Fadjet et à nous faire part de vos suggestions. Merci Francine. Eh ben, merci Jérôme, à bientôt. Merci donc Isabelle. Merci beaucoup, à bientôt. Et rendez-vous donc le mois prochain pour un nouveau numéro de l'Instant Éco.